Si seulement il y avait une émission amusante et instructive sur la bande dessinée. Ça existe, Billy. Ah, mais vous sortez d'où? C'est Fréquence BD, et c'est tout de suite. Wow. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fadjet, devant Fréquence BD, votre émission bande dessinée, tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Bon, mon Dieu, nous ne sommes pas le premier vendredi du mois, ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons tout. Je suis Benjamin, votre animateur. Pour cette soirée, je suis en compagnie du grand, du magnifique et du majestueux Gabriel. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et alors, merci. Bah, c'est normal, moi je ne fais que dire la vérité. Voilà. Alors comment ça va? Ça va. Est-ce que tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Et le vendredi 13. Oui, vendredi 13, c'est vrai. Alors, une journée qui nous a peut-être porté malheur, on ne sait pas, vu que nous enregistrons un jour avant. Mais en espérant que cela ne nous porte pas malheur, mon cher Gabriel, qu'est-ce que t'as J'espère. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Oui. Quand ça? Bah, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait de beau? Écoute, j'ai tout bonnement préparé l'émission. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, de quoi on va parler? Est-ce que tu peux nous le dire? Bon, on va parler de BD, bien sûr. Évidemment. Mais de leur lien avec la musique, voilà, avec tout ce qui est comédie musicale, musique, peut-être adaptation de BD en musique, enfin voilà. C'est ça, et comment la musique aussi est appropriée par la bande dessinée, hein, parce que la musique c'est auditif, la BD c'est visuel, quand on mélange les deux ça fait l'audiovisuel, donc on appelle ça une télévision, sauf que là c'est un livre, donc c'est très mystérieux, on va s'intéresser là-dessus. J'aurais pas dit mieux. Voilà, et alors concernant le décalage de cette émission, ça s'explique par plein de problèmes, et entre autres le fait que je n'avais plus internet pendant une semaine, ce qui rendait compliqué la conception de cette émission. Et comme vous pouvez sans doute l'entendre, j'ai le nez bouché à cause de ce pollen qui me perfore les sinus. Donc voilà, je vous prie de m'excuser pour cet air pincé que je pourrais avoir. J'espère que ça s'entend pas trop. Non, pas du tout. Bon, bah, je te fais confiance. Sans plus... Oui ? Essaye de dire Batman. Batman ? Ah. Je te déteste. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite nous pencher sur les sorties de mai 2022. Fréquence BD. Alors, mai est inconnu pour sa fête du travail qui a lieu le 1er mai, mais également pour la sortie de Carnet de campagne. Je ne parle pas de l'émission qui est diffusée sur France Bleu. Donc, Carnet de campagne, c'est sorti le 10 mai. Alors, il y a beaucoup d'auteurs. Il y a Mathieu Sapin, évidemment, Coco Pello, Navarro, De Montfred, Louisone et Lara. Et en fait, Carnet de campagne, c'est un récit avec plusieurs autrices et auteur de bande dessinée qui en fait chacune, parce qu'il n'y a que Sapin, c'est un peu le Mathieu Sapin, c'est le gars qui régit tout ça, et les six autres autrices ont en fait suivi chacune un candidat à la présidentielle de 2022, et en fait on va découvrir un peu les coulisses de cette campagne, comment ça s'est passé, voilà, donc Carnet de campagne le 10 mai, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah ça a l'air super bien. Ouais, mais surtout que Mathieu Sapin il s'y connaît en BD sur la politique. Mmh. On en a recommandé de nombreuses ici. C'est vrai, à chaque fois qu'il en sort une, je les recommande. C'est bien. Ouais, ouais. Il fait partie des chouchous. C'est ça. Si Mathieu Sapin nous entend, viens quand tu veux. la place est ouverte. Ensuite, moi je te propose un truc un peu plus sérieux et qui est dans le thème de notre émission spéciale musique. Opéra Negra de Clara Chotil, qui est sorti le 11 mai. Alors c'est un portrait de Marzia d'Aparecida, je ne sais pas comment ça se prononce, née en 1926 et morte en 2017, qui était la muse d'un peintre, Félix Labis, qui était un peintre surréaliste, mais qui n'était pas reconnu par les siens, le pauvre. Et en fait, cette Maria d'Aparecida fut la première artiste lyrique noire et une ambassadrice de la musique brésilienne en France. Voilà. Ok. Donc, un portrait sur une femme noire chanteuse brésilienne, Opéra Negra, le 11 mai. Voilà, bah, c'est un portrait classique sur une célébrité pas trop connue, on va dire. Souvent, c'est bien. Souvent, ouais, c'est très ça permet de découvrir des gens. C'est ça, mais tu vois, c'est pas le genre de BD que tu crois se dire « Tiens, je vais l'acheter ». mais c'est le genre de BD que si tu l'achètes, t'es pas déçu, tu vois. Mmh. Donc c'est pour ça que je l'ai proposé. Sinon, alors, une thématique qu'on parle pas trop dans l'émission, le Far West avec Wild Wild Hickok de Dobbs, Buffy et Hammer qui sortira le 18 mai. Et en fait, ce western raconte l'histoire de White Build, qui est le plus grand tireur du Kansas et qui fait régner la loi en fait sur le territoire. Et là, c'est un soir, lors d'une mission, il tue son adjoint qui est également son ami. Il décide alors de s'éloigner des devants de la scène, mais ce n'était sans compter sur ses démons qui le suivent où qu'il aille. Donc, une histoire dans un Far West pleine de mélancolie, plein d'action et aussi très documentée, où on se base sur où ce cher White Build va rencontrer des célébrités de l'époque, que ce soit des bandits ou autres. Donc voilà, ah, un western. Ça, c'est cool. C'est cool hein, pour changer. Mmh. Je sais pas si t'en lis beaucoup. Eh ben pas mal, ouais. Eh ben, mais je l'ignorais, j'en apprends tous les jours, comme quoi. ben voilà, si tu sais pas quoi lire, en plus le dessin est super beau, et des extraits de White Build Hickok sont disponibles sur internet si vous voulez vous faire une idée en lisant les premières pages. Et enfin, en vrac, nous avons le tome 3 des chroniques de Darkel, donc un spin-off des légendaires qui raconte le passé du grand méchant de la série, Darkel. Nous avons le tome 8 de Space Boy, nous avons également un one-shot qui s'appelle Poutine, l'ascension d'un dictateur, qui n'a rien à voir évidemment à voir avec la guerre en Ukraine actuellement, c'est une blague, évidemment. Ouais, c'est dans l'actualité, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. Le tome 42 de Yakari, le tome 30 de Yoko Tsuno, qui, je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois, ça m'étonne que Yoko Tsuno existe encore. Je trouve que c'est un peu un aspect vieille BD. Oui, bah, tu sais, il y en a plein, mais comme ça. Ouais, mais je sais pas, Yoko Tsuno, de base, j'aime pas trop, mais je sais pas, j'ai un peu l'impression que, tu vois, c'est une vieille BD. C'est pas, c'est le cas. Oui, c'est le cas, bien sûr, mais même dans le style de dessin, je ressens encore cette vieillesse, on va dire. C'est ouais, totalement. Bah, moi, ça me rappelle comment elle s'appelle cette BD qui est pareil, très vieille, où il y a plein de déclinaisons là, de science-fiction dont on a parlé la dernière fois d'ailleurs. Les mondes de. D'Alder Barrow ou d'Alder. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est pas du tout le même style de dessin, mais c'est vrai. Bah, ça commence à dater années 90. Ouais. Et enfin, le tome 3 du Convoyeur, une BD que je vous recommande chaudement, qui raconte l'histoire d'un mec, le Convoyeur, qui, dans un monde post-apo, est le seul à avoir plein de ressources introuvables ailleurs, sauf qu'un jour, il peut pas honorer une commande, et c'est la merde pour lui. Voilà pour les sorties du mois de mai. Est-ce que toi, de ton côté, tu as quelque chose ? Écoute, en tant que passionné de cinéma, je recommande le biopic de Orson Welles. Alors, une BD qui s'appelle Orson Welles, l'inventeur de rêves, et c'est édité chez Glénat. Alors Orson Welles, pour rappeler vite fait, parce que moi je suis une qui en cinéma, oui, qui est-ce ? C'est vrai, bah, Orson Welles, voilà, réalisateur de Citizen Kane, hein, un des premiers films très très connus, un grand classique, qui a aussi fait plein de films, Othello par exemple. D'accord. Et mais pourquoi pas, donc une BD sur Orson Welles, et est-ce que t'en as une autre ? Moi je te l'ai laissé parce que je sais que t'aimes bien, je sais pas si tu l'as. Ah, écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, j'avais un autre western. Alors non, c'est un nouveau tome de Donjon Monster. Ah, voilà. Bah tu vois que j'étais passé à côté. Parce que je sais que tu aimes Donjon comme j'aime Donjon, mais oui. Voilà, un nouveau tome de Donjon Monster, je ne donnerai pas le numéro du tome parce que je l'ai pas retenu, mais de toute façon, de toute façon voilà. C'est incompréhensible. C'est pas incompréhensible, c'est logique, mais il faut être spread, ça soit un peu le bazar. Ouais. Enfin voilà, et bien c'était c'est tout pour les sorties bande dessinée. Juste après, tu vas nous offrir quelque chose. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un retour de question pour un champignon ou alors une version différente ? Comment tu pourrais appeler ça, Gabriel ? On peut appeler ça comme ça. Voilà. Je pense que le format de quiz, c'est sympa. On pourra reprendre ça au fil des émissions. J'ai eu des bons retours de la dernière fois sur l'émission d'avril. Et d'ailleurs, merci à ceux qui l'ont écouté, sinon elle est disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube Fréquence BD. Eh bien, en attendant, on va écouter une petite chanson sur le thème de la bande dessinée avec Richard Gottheiner. Tu connais ? Oui, bien sûr. Eh bien, Richard Gottheiner, hein, d'ailleurs, qui est originaire de Meurthe-et-Moselle, va nous interpréter Capitaine Hard Rock, une chanson rock sur le Capitaine Haddock. C'est parti pour Captain Hard Rock de Gotainer. Sapristi, nom de nom, que le grand cric me croque. Qu'on me coupe une lico, les poils de la guitare. Aussi vrai qu'on m'appelle Capitaine Hard Rock. J'ai quelques rock en stock et de fameux standards. J'avoue, c'était plutôt métal. Fréquence BD. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois, même si on est le deuxième. Vous venez d'écouter Captain Hard Rock de Richard Gotainer. Et tout de suite, nous avons une nouvelle édition de questions pour un champion. Champignon. Gabriel, éclaire-nous. Gabriel, c'est à toi. Gabriel, générique. Eh ben oui, bah commençons cette émission spéciale musique par quelques questions, si tu le veux bien. Je vais te mettre à l'épreuve sur ta connaissance du lien entre la BD et la musique. Et bien sûr, voilà, les auditeurs peuvent jouer avec nous, hein, essayer de deviner avant que je ne donne la réponse. Alors, est-ce qu'il gagne une voiture s'il trouve avant ? Il gagne une toute petite voiture Kinder. Ah, j'en fais le serment, si jamais on me la demande. Tu sais que j'avais déjà voulu faire ça sur Fadjet, mais on n'avait pas pu le faire à cause du confinement qui est venu péter mes plans. Mais je voulais pas faire gagner une petite voiture comme ça. Et finalement, c'est mon PC qui avait été mis en enchère. Enfin bref. Ah, mais quelqu'un l'a gagné ? Eh ben, quelqu'un a appelé pour essayer de l'avoir, je lui... va lui expliquer après. Mais bon. Ah, tu t'engages sur des trucs aussi. Eh, c'est pas moi qui... Bref, on en parlera une autre fois. Nous t'écoutons. Alors, commençons par une petite question classique. Mais qui dit BD franco-belge. Qui dit franco-belge, dit chanteur. On est d'accord ? Chanteur franco-belge, oui. Chanteur, en l'occurrence, français. Mais... Le BD qui est franco-belge, c'est Astérix. Et j'aimerais bien te demander quel chanteur français n'a pas eu de caricature, n'a pas eu de personnage inspiré de lui dans Astérix, parmi les quatre que je vais te citer. Ah, ça me rappelle une question. Eh oui. Alors, Johnny Hallyday, bien sûr, Charles Aznavour, Michel Sardou ou Aurel San. Alors, à ton avis, qui n'a pas eu de personnage Astérix ? Alors, Marie nous avait fait une question sur les caricatures des personnages d'Astérix, mais alors là, ouais. Des chanteurs encore plus improbables. Alors, est-ce que tu peux les répéter ? Alors, je répète. Johnny, il y est. Il y est. Tu as tout à fait raison. Charles Aznavour. Me donne pas les réponses, j'essaie de... Je suis en train d'essayer d'écarter. Pardon, je croyais que t'étais sûr. Mais merci, tu m'as dit qu'il y était. Non, je n'ai pas dit ça. Trop tard, tu viens de le dire. Charles Aznavour. Aurel San, Michel Sardou. Aurel San, c'est un chanteur récent, tu vois, c'est celui qui me fait tiquer. Mais le truc, c'est que j'ai pas lu les Astérix récents, pour X raisons, ou si parce qu'il serait moins bon. Mais je me dis que ce serait pas improbable qu'il y ait Aurel San, vu qu'on a eu Greta Thunberg dans Astérix. C'est vrai qu'il y a eu Greta Thunberg. Oui, qui est la fille de Vercingétorix. Pas canoniquement, je crois. Donc, on aurait Sardou, et qui d'autre t'as dit ? Alors, j'ai dit... Johnny, Charles Aznavour, Sardou et Aurel San. Aurel San, vraiment, il est bizarre. Mais j'ai envie d'y croire. Elle est Aznavour. Aznavour n'est pas apparu. Est-ce que c'est ton dernier mot ? C'est ma dernière bafouille. Charles Aznavour est apparu dans un Astérix. Punaise. Dans lequel ? Il sait plus. Je sais plus. Non, alors, je sais plus. Non, si, il est dans la fille de Vercingétorix, donc récemment. D'accord. Et dans Astérix, le Griffon. Okay, donc très récemment aussi, 2019 et 2021. D'accord, donc il apparaît deux fois. Monsieur Aznavour, bonjour à vous, installez-vous. Il apparaît deux fois. Alors, la petite particularité, c'est qu'il n'a pas de nom. Il n'est pas nommé. D'accord. Juste, il a sa tête et de temps en temps, il chante du Aznavour. Quoi. Après, Aznavouritz, ça le fait pas trop. Non, mais bon. Donc... Ça m'a surpris. C'est juste un pirate. D'accord. Là, en plus, c'est un pirate. Alors, du coup, qui est-ce ? Alors, celui qui n'est jamais apparu, c'est Michel Sardou. D'accord, donc Aurel San est bien apparu. Aurel San est bien apparu. Mais alors quand ? Sous la personne de Simple Basix. Alors, dans La fille de Vercingétorix, toujours. D'accord, donc c'est vraiment dans les deux derniers albums que ça s'est joué, finalement. C'est ça. Et je t'avoue que moi-même, j'ai halluciné hein, quand j'ai vu ça. Simple Basix, c'est... Ah oui, c'est... putain, je viens de comprendre Simple Basix. Ah oui. Pas aller chercher hyper loin. Non, mais tu vois, mon cerveau a cogité. Il a essayé de chercher, il vient de trouver. Il est content, le cerveau. Bon, mais j'ai perdu cette question. J'espère que vous, derrière votre poste de radio ou dans votre voiture, vous aviez trouvé. Ok. Fréquence BD ! Alors, maintenant, je vais te citer des œuvres de BD très connues. Et tu vas pouvoir me dire s'ils ont bénéficié ou non d'une adaptation en comédie musicale ou en musique. Alors, fais gaffe, parce que c'est le sujet juste après, donc je me suis entraîné, j'ai révisé, donc je t'écoute. Aïe, ok, Naruto. Ouais, il y en a une, ça je sais, il y en a une. Ah, ouais, t'es allé jusque là, tu vois, parce que Naruto, elle est pas hyper connue. Mais je sais qu'au Japon, ils font beaucoup de comédies musicales sur les mangas, et tu peux me citer n'importe quel manga, c'est obligatoirement, il y a une comédie musicale dessus. C'est vrai. Désolé, j'ai pété. C'est pour ça que c'était le seul manga d'ailleurs. Vas-y, donc la suite. Ok, bon. Blake et Mortimer ? Ouais. Ouais, alors il y en a une ou il y en a pas ? Ah bah je sais pas, dis la suite, que je vois les autres choix. Ok. Alors, Naruto, Blake et Mortimer, Tintin, Batman et Picsou. Ah, donc il y a 5 choix. Hein ? Alors, Picsou, il y a eu un dessin animé et qui a eu beaucoup de succès et qui est revenu d'ailleurs récemment. Ouais, la bande à Picsou, bien sûr. Forcément, ils ont dû faire une comédie musicale. En plus, c'était des trucs américains, donc avec Disney, etc. Ils ont dû faire un truc. Alors, à savoir que c'est bien des musiques, mais pas forcément des comédies musicales. Ouais, des chansons dessus. Des chansons, ouais. Alors, des chansons dessus, oui, bien sûr, il y en a une, je sais plus de qui elle est, mais la bande à Picsou, ou si, si, elle existe. Alors, ça, c'est le générique, ça compte pas. Ouais, mais c'est une chanson, quand même. C'est le générique du dessin animé. Oui, mais c'est pas une adaptation, tu vois. Ouais, c'est vrai. Sinon, Batman, je vois mal des chansons avec Batman. Comédie musicale, ça va être marrant, cela dit. Black et Mortimer, c'est large possible. Mmh. Et c'est quoi l'autre choix ? L'autre choix, c'était Tintin. Alors, la bande à Picsou. Tintin, je sais que Tintin, c'était un vrai héros belge. Lorsqu'il était au top de sa gloire, il y a eu des défilés avec le vrai Tintin, où il y avait des photos du soi-disant Tintin qui allait en reporter, mais avec des vrais trucs. Je sais que il y a eu vraiment un vrai rayonnement avec Tintin, et d'ailleurs, c'est une des BD les plus connues par les étrangers, hein, et Bartulé nous en avait parlé. Donc Tintin, ça m'étonnerait pas. En plus, il y a eu des films, il y a eu beaucoup de jeux vidéo sur lui. Avec la Castafiore, ça offre des possibilités de chansons. Puis il y a le Captain Hard Rock qu'on vient d'écouter. Donc moi, ça me met dans l'ambiance. Donc je dirais, vu qu'il me reste plus que Black et Mortimer et Batman, deux détectives finalement, mais ouais. Je vois moins Batman faire de la chanson, donc je dirais Batman n'a pas eu de chanson. Et Picsou, qu'est-ce que t'en fais ? Ah, Picsou, il en a fait. Picsou, il chante tous les jours. Alors, il existe effectivement un album de Picsou qui est inspiré de la jeunesse de Picsou. D'accord. Et quand je te dis un album, c'est vraiment un album où chaque chanson, en fait, reprend une aventure de Picsou. Mais c'est génial, c'est de qui ? C'est vraiment très bien. C'est de Tuomas Holopainen. Je m'excuse pour la prononciation, puisqu'il est finlandais. Que tu connais peut-être si t'aimes le métal, puisque c'est le chanteur, le leader de Nightwish. J'écoute pas du tout de métal. D'ailleurs, c'est pas du tout un style que j'affectionne, mais je note. Donc c'est quoi ? C'est du métal à la Picsou ? C'est du métal. Alors, en l'occurrence, l'album sur Picsou n'est pas de métal. Ouais, c'est un album qui fait un petit peu ce qu'on pourrait avoir en musique de dessin animé, quoi. T'es censé pouvoir lire l'aventure de Picsou tout en lisant la chanson à laquelle ça correspond. D'accord. Et puis d'ailleurs, en parlant d'album inspiré de BD, on peut, vu qu'on vient d'écouter Gotainer, Gotainer a fait un album qui s'appelle Vive la Gaule, où c'est en fait des petites histoires du village d'Astérix et Obélix. Tout à fait, m'en avais parlé, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et je vous conseille de l'écouter, Vive la Gaule, de Richard Container, c'est vachement drôle, ça raconte Astérix qui tape des Romains, Obélix qui est amoureux, enfin bref. Donc, je te laisse reprendre tes explications. Ouais, alors bon, Naruto, tu l'avais dit, effectivement, il y a une comédie musicale, qui a l'air impressionnante, hein, d'ailleurs, avec des effets spéciaux, du gros budget et tout. Tintin, aussi, il y a une comédie musicale, c'est Le Temple du Soleil. D'accord. Début des années 2000. Ah, si récent, je pensais que t'étais plus vieux, tu vois, pour la hype Tintin. Et bah ouais, mais écoute, non. D'accord. C'est vraiment début 2000 et ça a eu un gros succès apparemment. Et je t'avoue que ça a l'air sympa. Ensuite, qu'est-ce qui restait ? Batman, tu as dit qu'il... Qu'il n'avait pas chanté. Qu'il n'avait pas chanté. Et pourtant... Arrête. Et pourtant, il y a eu une comédie musicale Batman. Mais en quelle année ? En quelle époque ? Dans quel monde ? Alors, c'est un peu particulier. Comment ça ? Parce que il y a eu un projet d'adaptation en comédie musicale qui n'a en fait jamais vraiment vu le jour. Ouah, là c'est du pinaillage alors. J'ai à peu près bon. Non, parce qu'en fait, elle existe quand même. Il y a déjà des chansons qui ont été enregistrées, des textes, etc. Mais elle n'existe pas vraiment en entier. Et alors, c'était en quelle année ? C'était... Alors, je sais plus. Dans les années 80, je crois. Parce que, ouais, si c'est années 80, c'est l'époque où Batman était moins sombre et mystérieux qu'aujourd'hui. C'est ça, et puis il y avait une hype quand même. Alors après, je tiens à dire qu'il y a quand même eu deux comédies musicales Batman, mais je les ai pas vraiment comptées, parce qu'elles ont pas l'air d'avoir un budget incroyable. Tu veux dire, ça a été fait par la kermesse du coin, l'école maternelle Lubertignac ? Alors, pour l'une d'elles, oui. C'est une comédie musicale française. Oh. Alors, qui n'est pas peut-être pas d'école maternelle, mais qui en tout cas est faite par des jeunes, peut-être des lycéens ou des étudiants en musique, je sais pas, qu'on peut retrouver sur Sens Critique, en fait. D'accord, carrément. Ouais, bah écoute, j'ai été surpris. Si tu tapes comédie musicale Batman, que tu cliques sur le lien Sens Critique, ouais, que la vidéo s'appelle donc Batman Comédie Musicale RMS 2013, tu la trouves. Donc voilà, il y a le Joker qui chante... Magnifique. Je pense qu'ils n'ont pas composé de chansons, de musique pour la comédie musicale, en fait. Ils ont écrit un scénario et ils chantent des chansons en lien, enfin voilà, mais qui ne sont pas originales. Et bah, tu sais quoi, on ira faire une enquête, on ira les interviewer. Attends, la dernière fois qu'on a fait ça, on s'est retrouvé avec Cazeneuve. Mais, c'est peut-être possible, hein. On leur demandera. Et donc, Blake et Mortimer n'en ont pas eu. Tu vois, ça s'est joué entre deux détectives. Donc, oui, l'autre comédie musicale Batman, du coup, j'ai pas dit, c'est Holy Musical Batman. Un truc comique, tu vois, Batman et Robin dans des costumes moulants. Ça, c'est pas comique, c'est la réalité. Oui, mais costumes moulants style années 60. Je sais pas si tu vois le Batman des années 60, ah, la série. Si, si, je vois, je vois. Ouais, voilà. Donc, ça me fait 0 point pour moi. Je suis très bon dans ce quiz. Et oui. Fréquence BD. Et bon, une troisième et dernière question qui est ouverte. Juste, j'ai voilà, trouvé quelque chose qui n'est pas courant, c'est-à-dire des auteurs de BD qui sont aussi musiciens ou qui sont aussi dans des groupes. Et je te demande de m'en citer. De m'en citer au moins deux. Alors, des chanteurs de. Enfin, des BDistes qui sont également chanteurs. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai pas voulu proposer une liste parce que ça aurait été trop facile. Mais... On aurait pu parler d'Yvan Delporte, hein, qu'on parlait avant l'émission, qui a chanté BD Blues, mais qui n'a pas l'air d'avoir un lien avec la bande dessinée, malgré le titre. Oui, et puis il l'a pas chanté. Oui, c'est pas lui qui l'a inventé, de plus. Voilà. Il l'a même pas chanté de manière professionnelle, vraisemblablement. Tu dis ça parce qu'il avait une barbe qui jazzait comme personne? Non, mais je veux dire, c'est sûrement un très bon chanteur, mais... Je vous invite à chercher sur YouTube BD Blues, Yvan Delporte, vous ne serez pas déçus. Et bon, alors là, tu vois, tu me poses une colle. Je n'ai aucune idée. Là, franchement, j'en ai pas. C'est pas mon jour. Bon, écoute, dans ce cas-là, je vais pas faire durer le suspense, mais... par exemple, Alan Moore. Célèbre auteur de comics américain qui a fait Watchmen, par exemple. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, etc. D'accord, bah si c'est américain, ouais, je connais pas trop. Ouais, alors on a Robert Crumb aussi, qui est l'inventeur de Fritz le Chat. J'aime bien un truc de nom. Puis voilà, après t'as tout ce qui est un peu nébuleux, genre Johann Sfar, Lewis Trondheim, dont on sait qu'ils font du ukulélé. Je sais, sérieux, Lewis Trondheim a fait ça, du ukulélé. Ouais. Il a chanté quoi? Non, alors ils en ont pas fait de manière professionnelle, hein, mais c'était là le petit piège. D'accord, mais alors il y a des extraits de Johann Sfar et Trondheim qui chantent Johann Sfar, ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ça? Bon, il faut taper Johann Sfar ukulélé sur YouTube. D'accord, et bien j'irai écouter ça juste après. Parce que ça m'intrigue, hein, donc Johann Sfar qui a beaucoup travaillé avec Trondheim, qui travaille toujours hein, avec lui. Ouais, bien sûr. Alors pareil, c'est. On dirait, c'est pas des trucs professionnels, enregistrés et tout, mais c'est à quelques occasions ils ont fait ça. D'accord, et ben merci beaucoup pour ce quiz qui m'a mis à terre, littéralement. Ouais, c'est vrai que c'était pas bien brillant. Mais c'est le vendredi 13, tu vois, on va sortir l'excuse sur la date. Ah tiens, mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, on en avait diffusé une de chansons chantées par un dessinateur. Laquelle? Alors c'était... chanté par Cabu et son fils Mano Solo, c'était La Java du Diable. C'est vrai, La Java du Diable, que j'aime beaucoup depuis que tu me l'as fait découvrir, je l'écoute très souvent. Ah, c'est vrai. Ah bah. La Java du Diable de Cabu et Mano Solo. Mais ce n'est pas ce que nous allons écouter maintenant. Alors, tu voulais proposer un titre. Qu'est-ce que c'est? Oui, bah, du coup, je proposais un titre issu de l'album sur Picsou. D'accord. Qui s'appelle Into the West. Donc ça correspond à un moment où Picsou vit une espèce d'aventure western dans sa jeunesse. Donc sur la jeunesse de Picsou, c'est Pardon Ressa. Est-ce que tu peux rappeler le nom du chanteur? Alors, c'est Tuomas Holopainen. Eh bien, c'est parti pour Into the West de Tuomas Holopainen. Je sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est Into the West avec Picsou sur Fréquence BD. des bulles, de la radio et un tas de bonnes choses. C'est Fréquence BD et ça reprend tout de suite. C'était Into the West de Tuomas Holopainen, c'est mieux prononcé comme ça, sur Fréquence BD, une chanson sur la jeunesse de Picsou. Vous êtes bien en compagnie de Benjamin et de Gabriel sur cette émission spéciale bande dessinée où nous allons parler de la musique et de la BD. Et tout de suite, après ce quiz d'une dureté incroyable, je voulais vous présenter quelques comédies musicales, deux pour être précis, sur la bande dessinée. Mais alors, ces deux comédies musicales sont très intéressantes par leur histoire. Je vais commencer par la plus ancienne. Est-ce que tu connais Lily Moutarde ? Oui. Sérieux ? Comment Non, non. Non ? Ah, punaise, tu m'as fait une blague. Eh oui. Alors, Lily Moutarde, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit à Dijon, d'où son nom de famille, qui s'ennuie et qui rêve d'avoir un petit frère ou une petite sœur, histoire de s'amuser. Et le truc, c'est que sa mère accouche de triplés. Donc, c'est beaucoup, des triplés, quand même. Donc, Lily Moutarde a un peu le seum parce que ses parents s'occupent plus trop d'elle. Du coup, elle décide d'envoyer les triplés chez le diable. Comme ça. Et elle y arrive, en plus. Elle y arrive. Donc voilà, ça c'est le speech de Lily Moutarde, sorti en 2003. Mais en fait, en vous disant que c'est sorti en 2003, ça sera un mensonge. Je vous mens. Parce qu'en fait, à la base, Lily Moutarde, c'est une histoire qui a été publiée chez J'aime lire. Tu connais J'aime lire, ce magazine? Bien sûr. Voilà, pour jeunes enfants, tu vois, pour découvrir la lecture. Mmh. Et en fait, J'aime lire, en 1986, publie l'histoire Les Lily Moutarde, voilà, écrite par Evelyne Reber. Donc voilà, elle raconte à peu près la même chose. Et en fait, comment on en est arrivé à une comédie musicale et quel est le rapport avec la BD ? Parce que je vous rappelle, J'aime lire, en particulier à l'époque, c'était que des nouvelles ou des petits romans. C'était pas de la BD. Et ben en fait, il y a une dame, Christiane Auriol, une sudiste, qui en 1994 se dit que ça serait vachement fun de faire une comédie musicale sur les Lily Moutarde. Tout à fait. Donc, elle se rend dans l'école maternelle de Ricamari, voilà, si vous voulez savoir. Et en fait, cette école maternelle fera le cœur de cette comédie, et deux, trois enfants triés sur le volet feront les solistes. Donc, voici un petit extrait pour que vous ayez une idée. Et donc voilà, c'est trop bien, Lily Moutarde fait un carton chez les petits-enfants, et l'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais en 2003, si je te dis Bernadette Després, est-ce que ça te dit quelque chose ? Ah, bien sûr. Car qui est cette brave dame ? C'est l'autrice derrière Tom Tom et Nana. C'est ça, autrice et dessinatrice des Tom Tom et Nana. Et en fait, cette Bernadette Després, en 2003, elle se dit « Tiens, les Lily Moutarde, c'était vachement fun, j'en ferais bien un livre CD. » Un livre CD, qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement, c'est un livre où dans ce livre, il y a un CD avec la comédie musicale. Et en fait, ce livre est une bande dessinée où tous les dialogues sont les paroles des chansons de Lily Moutarde, mais au mot près. C'est-à-dire que l'enfant, parce que c'est évidemment destiné à des jeunes enfants, lit la BD en même temps que les chansons se font. Et donc, ça permet de mettre une image à ces chansons, parce que c'est une comédie musicale finalement que musicale, il n'y a pas de comédie. Il n'y a pas d'acteur. Donc voilà, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Vous avez pu écouter un extrait. Toute la comédie musicale est disponible sur YouTube. Elle a été publiée en entière en 2014. Vous n'allez pas savoir pourquoi. Donc voilà. Donc, je voulais vous parler de ça, de Lily Moutarde, qui est vachement sympa en vrai. Tu devrais écouter. Premier degré, c'est cool, je trouve. Ouais. Écoute, déjà, je suis tombé sur quelques pages de dessin. C'est très beau. Ouais, c'est le style Tom Tom et Nana hein, qui est assez particulier, mais. Donc voilà, donc ça c'était les Lily Moutarde, mais comme je vous l'ai dit, une comédie musicale, on s'attend à voir de la comédie, c'est-à-dire des acteurs sur scène. Et c'est là où je vais vous parler d'un truc beaucoup plus récent, et que j'aurais beaucoup voulu voir, parce que j'ai pas réussi à trouver en entier sur internet, j'ai juste trouvé des trailers, pour vous dire à quel point c'est un gros morceau que je vais vous sortir. C'est la comédie musicale de Thorgal Arachnea. Tu connais Thorgal ? Sure. Thorgal, une bande dessinée assez vieille, hein, années 80, 1977, le premier tome. Mm-hmm. Donc Thorgal Arachnea, car c'est une comédie musicale qui se base sur le thème Arachnea. Donc c'est une comédie musicale qui a été faite en 2018 par une association belge qui s'appelle Les Enfants des Étoiles, ce qui est assez comique vu que Thorgal est l'Enfant des Étoiles, c'est son sous-titre en quelque sorte. Donc en fait c'est une association qui a plein de danseurs, plein de chanteurs, etc., qui ont tous pour la particularité d'être des mineurs, des enfants parfois en difficulté, défavorisés, etc. Et en fait, cette association offre à ces jeunes une possibilité de s'ouvrir au monde de l'art. Et avec quelques adultes qui font partie de l'association, ils créent en fait plusieurs comédies musicales. Ils en ont fait plein. Ils en ont fait qu'une seule qui était basée sur quelque chose de déjà existant, donc une bande dessinée. Et donc ça a été fait en 2018 en Belgique, et pour le coup c'est vachement beau, tous les costumes ont été faits à la main, les chorégraphies ont été réfléchies, il y a un décor sur scène qui est incroyable, où justement on voit les acteurs qui sont sur un bateau avec tous les danseurs autour qui miment les vagues, vu que c'est un tome avec des araignées, il y a des costumes d'araignées qui sont magnifiques, enfin terrifiants et magnifiques, parce que en fait, les danseurs marchent à quatre pattes, donc avec le costume, t'as vraiment l'impression que c'est des araignées de partout. Je vous invite vraiment à regarder quelques vidéos qu'il y a sur la comédie musicale de Thorgal. Et en fait, ces représentations ont été faites devant Van Ham, le scénariste de cette BD. Oui, historique. Historique. Et je ne comprends pas. C'était une remarque, grand nom quand même. Oui, voilà, Van Ham. Et ce qui est ouf, c'est que à la fin de la représentation, il pleure d'émotion. Voilà, donc j'ai trouvé ça très touchant. Donc si même l'auteur de la BD pleure d'émotion, c'est que c'est bien, j'imagine. Ouais. Ou du moins, c'est qu'il considère pas que ça salit son œuvre. Donc voilà, je connaissais pas du tout Les Enfants des Étoiles avant de m'être renseigné. Et d'ailleurs, c'est une association qui existe toujours maintenant et qui continue à faire des trucs. Et en fait, les fonds qu'ils récoltent, ils les redonnent ensuite à d'autres associations qui ont sans doute un peu plus de pouvoir, qui permettent justement d'aider les enfants en difficulté. Donc c'est cool. Et puis vu que c'est belge, c'est dans le monde de la BD. Donc c'est raccord. Donc ça c'est Thorgal. D'ailleurs, un petit extrait de cette comédie musicale pour vous donner une idée. Bien que Oni et Avili, super. J'espère que ça t'a plu. Magie du montage. Bah ouais, j'ai adoré cette chanson. Et enfin, alors, je les ai pas toutes regardées, mais il y a une comédie. Enfin, c'est un disque, pareil, comme Elle et Lily Moutarde. Ça s'appelle Mortel Adèle. Tu connais Mortel Adèle? Ouais. Et ben il y a un album Mortel Adèle, voilà. Sur cette fille capricieuse. Je crois que c'est un peu le même délire que Lily Moutarde. Hein. C'est une fille capricieuse qui s'ennuie, hein, il me semble. Oui, mais alors je crois qu'elle vit des aventures un peu plus surnaturelles. Peut-être bien, je sais pas, j'ai pas lu Mortel Adèle, je t'avoue. Ça a beaucoup de succès, hein, chez les enfants. Oui, il paraît, ouais, c'est une des BD qui se vend le mieux en ce moment. J'avais entendu ça. C'est Trondheim en plus, non, Mortel Adèle, il me semble. Non. Non? Je sais pas, non. Ou alors je le confonds avec un autre. Est-ce que tu peux te renseigner rapidement? Oui, c'est Antoine Dahl. Ah, ok, j'y étais pas du tout. Antoine Dahl qui est le scénariste, c'est dessiné par Miss Prickly et Diane Lefeyer. D'accord. Ouais, en fait, non, j'ai confondu avec les Pirates de l'Espace ou les Sardines de l'Espace. Ah oui, Sardines de l'Espace. Oui, je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir pourtant. Moi, ouais, une petite fille qui vit des aventures. Oui, c'est vrai. Et enfin, dans toutes mes recherches, quand je cherchais des chansons sur la bande dessinée, évidemment, je suis tombé sur Joe Dassin avec les Dalton. Ah oui, effectivement. Voilà, évidemment. Mais je suis aussi tombé sur Bécassine de Chantal Goya, qu'on connaît très bien. C'est ta cousine, d'ailleurs, je crois. C'est ça. Bécassine, c'est ma cousine. Alors, j'ai appris plein de choses sur Chantal Goya. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient son nom de scène? Chantal Goya, alors là, le peintre, peut-être. Eh ben, c'est un rapport avec la peinture, effectivement, avec Francisco de Goya. Mmh, et en gros, c'est juste que Chantal Goya avait un pote qui avait un tableau de ce mec-là. Et ce pote lui a dit « Écoute, si un jour tu deviens artiste, tu dois t'appeler Goya parce que tu lui ressembles vachement à la meuf qui l'a dessiné. » En gros. Mmh. Voilà d'où ça vient. Mais alors, pourquoi je vous parle de Bécassine, de Chantal Goya? Parce que, bon, la chanson n'a rien de foufou, même si elle est très entraînante, elle n'a rien de fou. Et bah sache qu'il y a eu un film, si j'ai bien compris, sur Bécassine, du nom de Bécassine is my cousin. Et en fait, lors de ce film, il y a eu un remix de la chanson originale qui a même été diffusé dans les boîtes de nuit fut un temps, donc pour te dire à quel point le remix est fou. C'est donc un remix Eurodance de Bécassine. Ouais, c'est improbable. Je te laisse digérer la nouvelle. Ouais. C'est pas mal, hein. Donc tout de suite, moi je te propose qu'on écoute ce fameux remix officiel, je précise, de Bécassine version Eurodance pour vous ambiancer sur la route, chez vous ou en boîte de nuit, si vous écoutez la radio en boîte de nuit, mais ça c'est un autre débat. C'est tout de suite avec Chantal Goya. De la bande dessinée. C'était Bécassine version Eurodance, musique officielle, la BO du film, chantée par Chantal Goya et remixée par les meilleurs DJ de France. Vous êtes bien sur Fréquence BD, votre émission BD sur Fadjet. Vous êtes avec Benjamin et Gabriel sur cette émission spéciale musique, spéciale adaptation musicale. Et pour la fin de cette émission, mon cher Gabriel, on voulait donner quelques titres qui prennent le concept de la musique, tu vois, la musicalité, les instruments, les notes. Tu vois, ils prennent ce concept et le foutent dans du papier de bande dessinée et en sort une œuvre écrite, mais musicale. C'est bien ça ? Est-ce que j'ai bien résumé ? Oh, c'est beau. Voilà. Donc moi, on avait quelques choix et d'ailleurs... tu m'en parles souvent de cette première émission où tu en avais fait un de choix, et tu vas en reparler, j'imagine. Je te laisse commencer. Oui, mais alors tu fais référence sans doute à Miles et Juliette. J'avais parlé dans la première émission de Fréquence Bébé. C'est ça, qui était dans les studios, Belle Époque. Oui. Juste avant le confinement, moins Belle Époque. J'avais la BD, je l'avais amenée physiquement, on pouvait se parler. C'est vrai. J'ai plus vu ton visage depuis, je me sens triste. Enfin bref. Moi, je ne suis pas sorti du studio depuis. Ah d'accord, t'es toujours chez Fadjet, ça va? Ouais, j'y vis. D'accord. Bon bah, j'espère que c'est bien. Mais en tout cas, dans cette BD, rappelle-nous le titre et de quoi ça parle. Alors c'est Miles et Juliette, ça raconte l'histoire d'amour entre Miles Davis, donc le fameux trompettiste de jazz, et Juliette Gréco, qui nous a quittés il y a d'ailleurs à peine un an ou deux. Grande chanteuse française, hein, qui, voilà... Non mais j'écoutais. Grande figure de Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Et bien quant à moi, je voulais parler de l'adaptation de Vernum Subutex en bande dessinée de Virginie Despentes. Donc, née à Nancy, hein, d'ailleurs, une ancienne. Que j'avais voulu contacter pour Fréquence BD. Je suis tombé sur son CM, donc son community manager, qui m'a dit « Ouais, t'es caté, je lui demande », et j'ai jamais eu de réponse, ça fait un an. Bref, c'est pas grave, j'imagine que c'est ça, les stars. Et donc, c'est une trilogie. Et pour la faire courte, c'est l'histoire d'un SDF DJ, pour la faire courte, hein, vraiment très courte. Là, j'ai tout résumé. Et en fait, ils en ont sorti une adaptation en BD. Le tome est gros, hein, il fait une centaine de pages, sans exagérer, je pense. Et toute l'intrigue de Vernum Subutex, c'est que le pote chanteur de Vernum lui a légué une clé USB qui contient des sons de malade, mais qu'il n'écoute pas. Et en fait, à un moment, Vernum, il va se mettre à... Dans la BD, il va se mettre à mixer. Donc, vous savez, il met des disques sur sa platine et il commence à mixer. Et en fait, il y a une magnifique planche qui est construite comme un disque. C'est-à-dire, au centre, on a Vernum qui mixe. Et autour, il y a un disque, c'est fait de plusieurs disques, cercles. Voilà. Stries. Voilà, de stries. Et en fait, les stries, elles tournent autour de Vernum. Et en fait, chaque strie forme des cases entre elles au fur et à mesure. Et ça donne donc comme si chaque plusieurs phases du CD représentaient une scène de la... Parce que c'est dans une sorte de boîte de nuit. Donc en fait, c'est pas une histoire qui suit, c'est un peu différentes scènes qui se passent au même endroit. Et je trouve que c'est vraiment... Ça donne de la musicalité, ça prend le code de la musique, le DJ, le disque, et ça l'applique dans la bande dessinée de manière très très bien. Et je trouve que c'est voilà, une belle façon d'assembler musique et BD. Ou pareil, hein, c'est courant, et je crois que c'est le cas dans celle que tu as parlé, des accords, des notes de musique, ou du texte qui est écrit comme si c'était des partitions. Il me semble que c'est le cas dans ce que tu présentes. Pas vraiment, mais... Je sais pas, j'avais le souvenir, ou peut-être que j'affabule, je ne sais plus. Il doit y avoir des moments, en tout cas, oui, c'est sûr, où il joue graphiquement, voilà, entre la musique et l'image. Enfin, la page, quoi. On voit, parce que la musique, ça bouge, et c'est pour ça que... c'est très intéressant de faire bouger quelque chose qui ne bouge pas, finalement. Puis voilà, est-ce que tu avais un autre titre à donner? Eh bien, écoute, non. Bah ça tombe bien. Moi non plus. À part que je vous conseille d'écouter Lily Moutarde. Mais c'est quand Fréquence BD? On est en plein dedans, Billy. Ah. Et bien, sur ce, est-ce que ça serait pas la fin de l'émission? Je crois bien. C'en est fini pour mai. C'est vrai, c'est fini pour mai. Pour ce vendredi 13 mai, qui, ça va, nous a pas trop porté malheur. La prochaine fois, on se reverra en juin. Est-ce qu'il n'y aurait pas le créateur du donjon Nelbuck, mon cher Gabriel? Tu es en mission? On va essayer. Je ne suis sûr de rien. Ah, donc donjon Nelbuck, à la base une série audio sur Internet, et qui est devenue un multimédia complet. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc, ce serait notre objectif pour le mois de juin. Après tout, on a eu Bob Lennon, donc on peut... C'est vrai, rien n'est impossible. D'ailleurs, Bob Lennon, il faudrait qu'on lui demande de revenir... voir, c'est pour son deuxième tome, on l'invite à chaque tome. Volontiers. Suite à divers problèmes. Ah non, parce qu'attends, La première semaine de juin, je ne sais plus ce qu'on m'avait dit à Fadjet, mais je me semble que c'est les Jardins du Michel ou un truc comme ça, dans le coin. J'en ai aucune idée. Mais ce qui fait que l'émission n'aura pas lieu le premier vendredi du mois de juin. Il me semble que c'est les Jardins du Michel ou un truc comme ça. Ça aura lieu le 10 juin. Voilà, donc on se retrouvera le 10 juin pour la dernière émission de la saison. La troisième saison de Fréquence BD. Et ensuite, on se retrouvera à la rentrée, septembre, novembre, octobre, je ne sais pas, ça dépendra. On ne sait pas comment seront nos vies à ce moment-là. Est-ce que le prix du gaz aura baissé? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas là pour en parler. T'as vu, on parle de sujets sérieux. Hein, c'est devenu une émission politique très vite. T'imagines, toi, Fréquence politique? Oh. Ah. Ah, pourquoi pas? En vrai, bon, on a déjà fait des émissions politiques. Il y a des concepts à creuser. Enfin, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission spéciale musique. Réécoutable en podcast, on pourrait dire, sur la chaîne YouTube de Fréquence BD, où je vous mettrai tous les liens de toutes ces magnifiques comédies musicales qu'on a pu parler et des BD qu'on a pu parler également. On a décidé de vous laisser, quelque chose qu'on fait très rarement, sur une chanson de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot. Est-ce que tu peux nous la nommer? C'est Comic Strip. Voilà, Comic Strip, donc ça veut dire la bande de comics. Non, une page de BD. Voilà, donc c'est Comic Strip tout de suite sur Fadjet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve le vendredi 10 juin. C'était Benjamin sur Fréquence BD. Salut. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi... politiquement neutre afin de s'assurer une sécurité de l'emploi ? Excentrique, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Whip, des clip, crack, des, bang, des, bang, et des... Zip, shabam, pow, flop, whew. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, vlam, ça fait, splash, et ça fait... Stop, ou bien, bang, ou parfois même... Shabam, pow, flop, whew. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire... des bulles, viens faire des... Whip, des... Clip, crack, des... Bang, des... Blop, et des... Zip, shabam, pow, blop, whew. Viens avec moi par-dessus les buildings. Ça fait... Whim, quand on s'envole et puis... Cling, après quoi je fais... Tilt, et ça fait... Boing, shabam, pow, blop, whew. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des blop, et des zip, shabam, pow, blop, whew. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Chop. Je suis là, crack, pour te protéger. Chop. Ferme les yeux, crack, embrasse-moi. Slap, shabam, pow, blop, whew, shabam. Shabam, pow, blah, whiz.